scientifique actuel dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, Inter, de Paul Sarrez, Actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Annie Douel. Aujourd'hui, 1964, troisième émission. Il venait de publier « Parlez-vous franglais ». En 1964, pour France Culture, Étiamble séjourne au Japon et en rapporte cette évocation de Tokyo. Les musiques, le marché aux poissons, les sirènes d'incendie, les feux d'artifice, les cris des marchands de nouilles. Le Japon, Tokyo, 1964, par Étiamble. Connaissance de l'Est. Étiamble vous propose, en compagnie de Gilbert Maurice Duprez, le Japon. Aujourd'hui, avec le concours de Jean Brassa et Edith Lauria. Tokyo, ville des contrastes, ville au double visage. Tokyo, 1964. Tokyo s'appelait Edo, et les shoguns Tokugawa y avaient établi leur capitale de 1603 à 1868. Lorsque le régime impérial fut restauré, en 1868, Edo fut rebaptisé Tokyo et devint la capitale officielle du Japon. Aujourd'hui, cette métropole a dépassé 10 millions d'habitants et s'étend sur une superficie d'environ 2200 km². Êtes-vous sûr de vos chiffres? J'ai là un autre dépliant. Tokyo, capitale du Japon depuis 1868, a une superficie de 2023 km² et une population de 10 173 000 habitants. Quand on parle de Tokyo, les chiffres sont toujours faux, car c'est une métropole en croissance si rapide que le temps d'imprimer un dépliant, les chiffres en sont dépassés. Ce qui compte à Tokyo, c'est d'abord un certain ordre de grandeur. Par une belle nuit claire d'avril, quand l'avion qui revient de Sendai, au nord-est, descend pour atterrir à l'aérodrome de Haneda, comment le voyageur ne serait-il pas émerveillé, ou accablé selon son caractère, par ces lumières infinies d'une ville qui n'en finit pas? C'est à Ginza, le quartier le plus chic de Tokyo, aux environs de 5 heures du soir. Les gens faisaient du Ginbura, flânaient en léchant les vitrines. de part et d'autre de la rue, plusieurs des grands magasins de la capitale. Matsuya, Matsuzakaya et Mitsukoshi. Le nom de Ginza s'explique de la sorte. Gin veut dire argent et za, fonderie. Voilà 350 ans, quand les Tokugawa s'établirent à Edo, on battait la monnaie dans ce quartier. C'est ici que se trouvent les hôtels Nikko et Ginza Tokyo. Hôtel Nikko, 8 Shome Ginza Nishi Shuoku, Tokyo. Téléphone 5 7 1 4 9 1 1. À 7 minutes en voiture de la gare centrale et à 1 heure de l'aéroport de Haneda. Type occidental. 112 chambres. 42 chambres à un lit avec bain de 1800 à 2500 yens. 38 chambres à deux lits de 2500 à 3000 yens. 32 appartements avec bain de 3200 à 4000 yens. Petit déjeuner 350 yens, déjeuner 700 yens, dîner 900 yens, chauffage central. Climatisation. Au cours du change, est-ce cher ? Par comparaison avec les tarifs de l'hôtel New Japan, par exemple, le Nouveau Japon, ce n'est pas cher. 29, 2, Shome Nagatasho Shiodaku, Tokyo. Téléphone 5 0 1 5 5 1 1. À 10 minutes en voiture de la gare centrale et à 45 minutes de l'aéroport de Haneda. 131 chambres à la japonaise, 369 chambres de style occidental. 86 chambres à un lit avec bain de 2300 à 2700 yens, 232 chambres avec bain de 3600 à 8000 yens, 41 appartements de 10 000 à 15 000 yens. Deux appartements spéciaux à 54 000 yens. C'est certainement là que vous logiez, Étienne. Je n'ai pas trouvé ces 54 000 yens, ces 600 francs par jour, dignes de moi. Et vous avez trouvé mieux? Oui. À l'hôtel Okura, j'ai pu trouver un appartement de 57 000 yens par jour. Le Palace Hotel, fameux pourtant, n'allait pas au-delà, lui, de 40 000 yens par nuit. Une misère. 500 nouveaux francs. Et il y a du monde dans les hôtels de ce prix-là? Essayez plutôt d'y trouver une chambre, et surtout en avril. Cette année, avec les Jeux Olympiques, c'est encore pis. On bâtit, en toute hâte, de très grands, de monstrueux hôtels. À propos, avez-vous lu « Visa pour le Japon » de Marcel Jules Yaris dans la collection « L'air du temps » ? C'est à moi que vous demandez cela, moi qui m'occupe de ces émissions. Eh bien, vous vous rappelez ce qu'il écrit de cette démesure, lui pourtant qui, comme tant d'Européens que j'ai vus là-bas, s'est pris à aimer Tokyo. Il y a dans toute cette ville une atmosphère extraordinaire. On la maudit souvent parce que les rues sont périlleuses, parce qu'elles n'ont pas de nom, parce qu'elles sont tracées n'importe comment. On l'aime le plus souvent parce qu'elle vous ensorcelle, qu'elle vous enchaîne comme un vice. On l'aime encore plus quand on l'a vue du ciel, un soir, d'un avion qui tarde à atterrir et qu'elle vit comme des myriades et des myriades de méduses dans une mer d'été. Quand on l'a vue à ses pieds dans ses détails, avec sa beauté raffinée, voisinant avec le plus simple, parce que, quoi qu'elle fasse, elle n'est jamais vulgaire, jamais distante, jamais inhumaine. Contresigneriez-vous ce jugement? Vous savez bien, Dupré, que je déteste toutes les grandes villes et que je pense qu'une ville dont on ne peut pas sortir à pied en 20 minutes n'est pas faite pour l'homme. En outre, à Tokyo, vous êtes infirme, sauf si vous parlez japonais, ou que vous descendiez dans un hôtel de luxe, où vous disposerez d'un chauffeur avec limousine, sachant un peu d'anglais, et encore. Et encore. Comme il n'existe pas de plan de la ville, et que les rues n'ont pas de nom, et qu'elles sont enchevêtrées dans diable. Si vous ne pouvez pas guider vous-même votre chauffeur, vous risquez les mésaventures. Heureusement, quand on vous invite, on a soin de vous envoyer un plan du quartier avec les principaux points de repère, temples, magasins, gares de métro, qui peuvent guider le chauffeur, le tout en japonais et en anglais. J'approuve également Julie Harris quand il parle des rues périlleuses. Pensez que chaque jour, en beaucoup d'endroits de Tokyo, on affiche le nombre des morts et celui des blessés. En avril, durant mon séjour, c'était l'un dans l'autre, si je puis dire, 3 ou 5 morts par jour, 150 ou 200 blessés. Mais je répète qu'en dépit de ces difficultés, beaucoup de Français qui résident à Tokyo m'ont dit, comme l'écrit Julie Harris, qu'ils sont très attachés à cette ville, où l'on trouve aussi des rues étroites, paisibles, avec petits jardins et ce silence sans lequel comment vivre? On y trouve, par exemple, les vastes et beaux jardins de l'ambassade de France, ancien jardin d'un palais shogunal. J'ai vu également le minuscule jardin de la maison où vit notre ami René de Berval, le directeur de France-Asie. Il m'arriva quand même de ne pas dormir et plusieurs nuits de suite, parce que la chambre qu'on m'avait généreusement proposée donnait, comme des dizaines de milliers d'autres chambres à Tokyo, sur la ligne du chemin de fer urbain. Il est 15 heures. La gare est peu fréquentée. Les haut-parleurs crient « Tokyo, Tokyo, tout le monde descend !» Les voyageurs sont priés de ne rien oublier dans le train. Attention délicate est constamment réitérée dans tous les trains. Attention au départ! Le train numéro 3 va partir pour Kuriyama via Yokosuka. Attention, s'il vous plaît. Lorsque sonnera la cloche du départ, les portes des voitures fermeront automatiquement. Cela, c'est l'autre aspect de Tokyo. Dans un temple situé sur une colline, au sud de la ville, 3 prêtres modulent le rituel bouddhiste. Tokyo est la capitale, mais c'est surtout la ville 10%. C'est à Tokyo que vivent 10% de tous les Japonais. La ville de Tokyo a un budget qui est le 10e du budget national. Il y a à Tokyo le 10e des 6500 salles de cinéma de tout le pays. Il y a une moyenne mensuelle de 60 à 80 000 chèques, sans provision, ce qui signifie qu'il y en a pour 5 à 7 milliards de yens. Il y a des milliers de kilomètres de rues qui ne sont pas pavées, des centaines d'autres qui comptent presque autant de trous que de pavés. Tous les véhicules empruntent les quelques dizaines qui sont carrossables et s'y précipitent, provoquant les plus longs embouteillages, les plus beaux accidents du monde. 300 000 véhicules y roulent, en comptant les camions, les scooters et les motocyclettes. Ils causent 20 000 accidents graves par an, qui font 20 000 blessés, et 800 morts. 800 morts. Ça ne fait pas beaucoup plus de 2 morts par jour, et vous disiez... Le livre de Julie Harris est de 1958. Tout progresse au Japon, y compris, comme chez nous, le nombre des victimes de la circulation. Il y a de tout dans Tokyo. Il y a 10% de tout. Il y a aussi 800 parcs publics. Il y a chaque matin, dès 8 heures, Des queues de gens qui attendent pour entrer dans les grands cinémas, permanents de 10 à 23 heures. Il y a des femmes d'associations patriotiques qui nettoient gratuitement, pendant 3 jours, les jardins du palais impérial pour être récompensées au 3e jour par un coup d'œil qu'elles peuvent jeter de loin sur l'empereur qui passe. Il y a aussi 4 écoles de nous, des centaines de professeurs d'arrangement. Il y a aussi près de 6000 incendies, détruisant chacun au moins une maison. Tokyo, c'est toujours mourir et toujours renaître, plus confuse et plus énorme. Au cours de ces 500 années d'histoire, Tokyo a été 23 fois détruite à peu près complètement par l'incendie. Au cours de ces 500 ans d'histoire, Tokyo a été détruite partiellement 200 fois. Les coupables, les tremblements de terre, les raz de marée, les inondations, les volcans, la guerre. En 1945, Tokyo comptait 3 millions de sinistrés, 800 000 maisons détruites, 2 fois plus de morts sous les bombardements que Hiroshima et Nagasaki réunis. Une seule attaque fit 197 000 morts, le chiffre le plus fantastique que connaisse l'histoire. Ce Tokyo d'alors ne datait que du tremblement de terre de 1923, qui avait fait 100 000 morts et rasé 65% des maisons. Toute l'histoire de Tokyo ressemble à cela. La ville n'a jamais eu plus de 20 ans. Contraste. Ville au double visage. Chantier perpétuel et surtout à la veille des Jeux Olympiques, Tokyo reste aussi la ville où le musicien ambulant, avec son shamisen, va chercher quelques yens de restaurant en restaurant. Tokyo, ville des contrastes. Ville au double visage. C'est le soir, à Tokyo, au début d'avril. En quittant son travail, on s'est précipité à la pharmacie pour avaler en hâte un breuvage fortement vitaminé. Car la vie de cette métropole est épuisante. On rentre chez soi, dans un quartier heureusement moins bruyant que Ginza. On quitte le costume de travail. On revêt le kimono. On chausse les guetta. Ces hautes sandales de bois. Avez-vous chaussé les guettes ? Comment donc ? 10 jours durant, en province, j'ai vécu à la japonaise et revêtu le kimono après le bain japonais. Ce bain dont nous parlaient la semaine dernière les schnappants de Izakuriye. Ces bains, auprès desquels les nôtres me paraissent et me paraîtront désormais, à jamais, barbares. Mais écoutez plutôt ce bruit, moins familier peut-être à Tokyo que celui des guetta. Les enfants sont heureux, croyez-moi, qui courent ici le soir tombant, avec leur pokuri, ses sabots de bois pleins, à grenots. Écoutez les grenots, qui sont à l'intérieur même du sabot. Courir ainsi, en avril, sous les cerisiers en fleurs, c'est pour un enfant de Tokyo l'image même du paradis. Or nous sommes précisément au premier jour d'avril, où, cette année, les cerisiers fleurissent à Tokyo. Les moins favorisés des adultes rentrent dans ce qu'on appelle ici des apparts, nos HLM. Ces apparts, il faut bien le dire, ressemblent à toutes les casernes où partout au monde s'empilent, tant bien que mal, les victimes, si je puis dire privilégiées, de la crise quasi universelle du logement. D'autres habitent des mansions ou mansions, c'est le mot anglais, ou le vieux mot français, ou plutôt le mot jap-anglais, qui désigne des logements de qualité un peu supérieure. D'autres, encore plus favorisés, regagnent leur maison japonaise aux murs nus, aux nattes parfaitement propres, aux cloisons coulissantes, avec un jardinet, et ce que nous appelons maintenant en France le pas japonais. Celle où nous allons pénétrer appartient à un de mes plus chers amis, universitaire, traducteur de Proust, et qui publie en ce moment à Tokyo les souvenirs de son séjour en France voilà quelques années. Sa maison est japonaise tout à fait, avec un jardin très japonais lui aussi, mais ce collègue s'est installé un bureau à l'européenne. Parfois vêtu à l'européenne, son épouse porte ce soir un kimono raffiné. Les tabis blancs, ces espèces de chaussettes où le gros orteil est séparé des autres, ce qui permet d'enfiler aisément les ori. Elle étudie elle aussi le français, mais quand elle joue de la musique, c'est du koto, l'espèce de harpe à 13 cordes. Madame Inoue, c'est son nom, a bien voulu enregistrer à votre intention du koto. Tokyo, ville des contrastes, ville au double visage. Il est 8 heures du matin. Nous sommes à la gare de Shinjuku. Des trains, encore des trains, toujours des trains. Tout à l'heure, avant de quitter la maison, l'homme avait dit à son épouse : Je pars. Bien, partez. Bien, partez, dit l'épouse le matin. Et non pas sayonara, le au revoir ordinaire. Ces citadins, dont plus d'un se promenait hier soir en guetta dans les petites rues paisibles, se pressent dans un escalier de la gare de Shinjuku, à Tokyo. Les voici maintenant dans les couloirs latéraux qui conduisent vers la sortie de la gare. Ils se hâtent, vers quelle joie. Le chantier fonctionne à la porte même de la gare. Tous les autres bruits que vous venez de subir, comme chaque matin tant et tant de japonais, sont enregistrés à moins de 200 mètres à vol d'oiseau de la gare de Shinjuku. Tokyo n'est qu'un perpétuel chantier. La nuit où j'y débarquais, tandis que nous suivions la nouvelle autoroute sur piliers qui unit l'aérodrome de Haneda au centre de Tokyo, je voyais partout les grues, les échafaudages. Je distinguais même le futur chemin de fer monorail qui doublera l'autoroute. Tokyo a choisi de compléter son métro, ses rues, par un réseau aérien. De jour, le lendemain, ce fut plus surprenant encore. Partout la fièvre, partout des fondations que l'on creuse, partout des carcasses qui s'élèvent, des rues que l'on défonce. Les prix du terrain ne cessent de monter. Dans le centre de la ville, le mètre carré vaut 400 000 yens. 500 000 francs. Ces chiffres sont de M. Jiuglaris et datent par conséquent de 1958. C'est un change ancien exprimé en ancien franc. L'énormité du ventre de Tokyo se mesure en poissons qui s'entassent dans le marché de Tsukiji, exclusivement marché de poissons qui couvre plus d'espace que les halles de Paris. Vous y étiez, à ce marché de Tsukiji, tout près du centre. Il est tôt, 5h45. Vous entendez la criée et les bruits confus de la foule. Puisque vous venez de nous conduire au marché aux poissons, si vous nous disiez quelques mots de la cuisine japonaise, ce simple poisson m'a mis l'eau à la bouche. Volontiers. Il est temps que nos concitoyens en finissent avec le mythe du sukiyaki. Durant un séjour de 3 semaines au Japon, où j'ai presque toujours mangé à la japonaise, pas une fois on ne me l'a servi, le fameux sukiyaki de nos magazines féminins. On abandonne cela aux touristes américains. Un japonais vous invitera chez lui à un dîner de sashimi, à un déjeuner de tempura. Dans l'un et l'autre cas, il s'agira de poisson. Poisson cru, et c'est le sashimi. Baigné de poissons et de crustacés, et c'est la tempura. Déçu par la cuisine japonaise de Paris, j'ai découvert à Tokyo et partout ailleurs au Japon un art original et varié, ne serait-ce que ces potages, transparents et si savoureux, ou ce potage brun, épais, dont malheureusement je ne connais pas la recette, quoique je l'ai vu faire devant moi. Quant aux variétés de poissons crus, de poissons grillés au feu de bois ou pris en beignet, et dont les saveurs alternent de bouchée à bouchée, de sorte que les papilles gustatives isolent chaque sensation, c'est là, sans aucun doute, de la grande, de la savante cuisine. J'ajouterais qu'en festoyant 2 fois le jour, sans oublier les petits déjeuners japonais qui valent bien un de nos repas, j'ai perdu 2,5 kilos. Rien de gras, en effet. Point de fromage, point de sauce, ni de pain. Point de fromage, sinon le fromage de soja. Mais enfin, ce n'est pas aussi nocif que le nôtre. Ainsi, vous avez festoyé avec geisha, je présume, et saké. Ta ta ta. De même que l'Inde est pour moi le pays des corbeaux, disons que le Japon sera pour moi celui de la bière. Autant et plus que du saké. Sans doute j'ai bu le saké, bien chaud. Mais la bière, très bonne du reste, tend à devenir là-bas la boisson ordinaire. Et la Coca-Cola? La Coca-Cola conquiert le Japon, oui. Mais je dois avouer que pas une fois, durant mon séjour, on m'en proposa. Mais je vous trouve bien discret sur les geishas. Vous savez aussi bien que moi, Dupré, que si la geisha existe encore et joue son rôle dans la vie japonaise, les geisha parties, comme on dit en japon anglais, sont attractions pour touristes, aussi représentatives du Japon que le Paris by Night organisé pour les naïfs. Mais enfin, si vous y tenez, on vous fera entendre un fragment de geisha party. Dans une des boîtes où je suis allé, Arsène Lupin, c'est son nom, mon hôte, un écrivain japonais, se tapait une bouteille de bon Bordeaux rouge tandis que moi je buvais de la bière. Dans une autre boîte, le ramor... En français? Oui, en français, bien entendu. Les hôtesses, comme on dit, relevaient assez haut des genoux gainés de nylon et ressemblaient, quant à leur costume, à des entraîneuses de chez nous. Vous remarquerez en tout cas que la France donne au Japon Arsène Lupin et le Ramor. Le Ramor, c'est à la fois un club chic, le bar du Pont-Royal. On y rencontre des éditeurs et des écrivains. Je me rappelle que Jules Laris dit la même chose. Dans les rues de la capitale ou des villes de province, quantité de cafés, de boîtes de nuit, de magasins de mode, de pâtisseries, porte des noms français. Au cours des années, j'en ai noté des centaines, des tricolores, marronniers, c'est si bon, Paris, c'est la vie, bonsoir, tête à tête, confort, mon repos, toi et moi, la bohème, la rotonde, soir de Paris. La seule rue de Tokyo qui porte un nom est la ruelle de la lettre d'amour, en français. Si un jour Paris offre à Tokyo, la plus peuplée des villes de la terre, d'être sa ville sœur, elle lui fera la faveur dont tous les Edoko rêvent plus que tout au monde. Les Edoko? Ainsi désigne-t-on du nom ancien de la ville, Edo, les habitants de Tokyo, mais, si j'en crois M. Siffert, avec une nuance comme celle de Parigo, par opposition à Parisien. Comment se présentent les cafés à Tokyo? C'est important, le café, pour se former une idée sur une civilisation. Les cafés sont ici des refuges, du moins il m'a semblé, des refuges contre l'extérieur. Ils sont fermés, aux fenêtres des verres fumés pour tamiser la lumière, pas de terrasse. Le café Giro, au nom bien français, où je suis entré, tout près de la maison franco-japonaise, n'a pas une fenêtre sur l'extérieur. C'est un café chanson, comme on dit là-bas, à la française. On y trouve du Ricard, du Pernod, tous les alcools de France, mais, à l'intérieur, un jardinet similizen. Dans ce café Giro, que fréquentent des étudiants, m'a-t-on dit, et aussi, d'après ce que j'ai vu, tout un peuple de Vitelloni, Jap-anglaisans, on voit au mur des portraits de Brassens, de Philippe Clay, de Juliette Gréco, de bien d'autres vedettes. On y sert des éclairs au chocolat, des cakes, ou des, ce qui m'a paru le plus drôle, des choux crimes. C'est-à-dire des choux à la crème avec le mot « chou » transcrit à la française et le mot « cream » transcrit vaguement à l'anglaise, du parfait Japon-franglais. Mais changeons un peu de café, si vous voulez bien. Eh bien, nous voici maintenant au café Mansion, ou Mansion, au nom lui aussi japonais. On n'évite pas cela là-bas. On y chante l'un des airs les plus populaires au Japon, la chanson de la plage, pour consoler sans doute ceux qui n'y vont pas à la plage. Vous parlez beaucoup du Japon anglais. Le Japon serait-il aussi corrompu d'américanisme que le français? Beaucoup plus. Parce que le Japon, lui, fut longtemps occupé et reste strictement dans l'orbite américaine. À mon arrivée, un de mes amis m'offrit précisément un livre qui venait de paraître, un bilan des mots étrangers dans la langue japonaise d'aujourd'hui. C'est proprement effrayant. Bien que le japonais, à la différence du français, soit défendu par son écriture syllabique, qui lui impose de nipponiser quelque peu les mots étrangers et d'employer un système de kana différent pour les mots étrangers de celui qu'on emploie pour les mots d'origine japonaise. Au café Giro, par exemple, un de mes amis japonais, qui sait parfaitement les langues occidentales, commande en japonais une boisson. Le garçon, comment transmet-il? En anglais. Ice water, one. Mais le même japonais me dit quelques instants plus tard, en français, si je puis dire, il est tough, c'est-à-dire quelque chose comme « c'est un dur ». En 3 semaines, j'ai noté des centaines de mots américains qui s'incrustent en japonais ou en japonais. Il y en a, paraît-il, des milliers, sinon des dizaines de milliers, et plus d'un japonais de ma connaissance pense du japonais comme je fais du franglais. Vous étiez là-bas pour vous documenter en vue de nos émissions, mais aussi, je crois, pour faire des conférences. Vous avez dû fréquenter d'autres endroits que des cafés, des théâtres de no ou de kabuki. Vous ne nous avez point encore parlé d'universités. Ils sont puissantes et nombreuses, l'une d'État à Tokyo, les autres à Tokyo privées. J'ai visité notamment l'université de Tokyo, celle de Keio et celle de Waseda, où je fis quelques conférences. Au Japon, 800 professeurs enseignent notre langue au niveau de l'enseignement supérieur. J'ai séjourné à la maison franco-japonaise, havre de grâce pour les érudits, et à l'institut franco-japonais, qui dispense à Tokyo l'enseignement de notre culture, sans parler aussi de l'institut franco-japonais de Kyoto que j'ai visité. Partout, j'ai constaté que les Japonais sont extrêmement curieux de tout ce qui touche notre pays, de ses mœurs, de sa littérature, de ses arts. Et je dois ajouter que la reconnaissance de la Chine nous vaut là-bas un étonnant regain de sympathie et de curiosité et d'estime. À la télévision, le professeur Kobayashi Tadashi, assisté de quelques Français, organise un enseignement pratique très efficace de notre langue. J'ai participé moi-même à une émission et je puis en témoigner. Tandis que nous autres, si nous voulons étudier le japonais, nous ne disposons pas de la télévision, nous n'avons que la Sorbonne et les langues orientales. À Lyon aussi, si je ne m'abuse, M. Isler, qui fut d'ailleurs jadis lecteur au Japon, donne des cours d'initiation, c'est peu, beaucoup trop peu. Nous ne pouvons plus ignorer la langue de 100 millions d'hommes. Le professeur Inoue, par exemple, celui dont l'épouse nous donnait tout à l'heure un récital de koto, vient de publier à Tokyo un très important travail sur la structure du roman de Marcel Proust, La recherche du temps perdu. Eh bien, en France, parmi ceux qui auraient profit à lire cette thèse, parmi les Proustiens, parmi les étudiants, parmi les professeurs de littérature française, qui en bénéficiera? N'est-ce pas navrant? Mais le remède? Qu'on fasse pour le japonais ce qui a si bien réussi avec le chinois, et que pour commencer, on prévoit, dans un lycée pilote ou deux, un enseignement de japonais. Plus d'un professeur japonais de langue française m'a dit qu'il serait heureux de gagner ainsi, en enseignant chez nous sa langue, au niveau élémentaire même, de quoi gagner le plaisir d'un séjour d'études en France. Le temps passe, Étienne. Si nous passions du campus, comme on dit en franglais, au stade, avez-vous eu l'occasion d'assister à des manifestations sportives ? Ronald Omori, an American of Japanese descent and a graduate of Seattle University, has been signed by the Hiroshima Corps Professional Baseball Team, the Central League announced Saturday. Tokyo, ville des contrastes, ville au double visage. Le tambour que vous entendiez tout à l'heure annonçait la lutte japonaise traditionnelle, le sumo. C'est à quoi participent ces lutteurs géants, presque nus, le crâne orné du chignon spécial qu'on appelle le shommage. Après un prélude, haut en couleur, en bruit de mains et de pieds qui battent, les lutteurs entrent, vêtus d'un tablier fait de matériaux précieux. Ils se rincent la bouche et se lavent les mains. Puis c'est l'assaut, qui généralement ne dure que peu de temps. Nos compatriotes connaissent le judo, mais je ne sache pas qu'on ait organisé à Paris des salles de sumo. Quant à l'annonce en anglais que vous avez entendue, elle vous montrait la part du baseball dans la vie japonaise. À Tokyo, chaque soir, à la lumière artificielle, on joue au baseball. Je l'ai vu de mes yeux. La télévision diffuse ces parties. Les gosses un peu partout s'y exercent. On les voit même, les mains vides, mimer les attitudes du jeu. C'est une folie. Si le sumo est la tradition du Japon, le baseball pourrait bien présager son avenir. Dites-moi, la fameuse escrime japonaise, le kendo. Après avoir lâché sur Hiroshima et Nagasaki leurs bombes atomiques, les États-Unis ont décidé, que l'escrime est un jeu dangereux pour la paix du monde. Sous le proconsulat de MacArthur, ou de MacArthur, on interdit le kendo. On voit mal en effet comment un sous-marin atomique armé de fusées Polaris pourrait résister à un étudiant qui s'adonne au kendo. Et surtout à une étudiante. Les étudiantes aussi s'y adonnent ? Oui, à Osaka, j'en ai vu plusieurs, dans une immense salle d'armes au pied du château féodal. Quel dommage que je n'ai pu enregistrer les chocs d'épées de bambou, les cris des combattants, celui des combattantes. Ma vieille amitié pour l'escrime m'a fait m'attarder dans cette salle, pour examiner en quoi le kendo diffère de nos armes. Mais comme c'était de l'inattendu, une jolie surprise, je n'avais pas de magnétophone. Qu'avez-vous vu ou entendu de plus surprenant à Tokyo ? La super tour Eiffel de 330 mètres ou un cri de marchand ? Non, non. Ni le cri du marchand de nouilles que vous venez d'entendre, ni la super tour Eiffel de 330 mètres ne m'ont surpris. Mais une œuvre, oui, une entre toutes, m'a consterné. Nous sommes au cœur de Tokyo, au rez-de-chaussée des grands magasins Mitsukoshi. Hélas, hélas, il faudrait ici la télévision et encore, en couleur, là, devant moi. Entouré de touristes américaines éberluées, fascinées d'admiration, Tenyo Magokoro, la déesse de la sincérité. La statue de la déesse Magokoro est un chef-d'œuvre de M. Gegen Sato. Il passa plus de 10 ans à l'ouvrage qui lui avait été confié par les grands magasins Mitsukoshi. Faite pour la plus grande part de cyprès japonais de la variété Inoki, vieux de près de 500 ans, choisi dans les bois qui entourent le sanctuaire de Kibune, à Kyoto, la statue est peinte de couleurs chimiques et décorée d'or et de platine. Le personnage représente la déesse de la sincérité qui, enveloppée de nuages, descend légèrement vers la terre généreuse, accompagnée d'un phénix qui apporte une offrande destinée au plateau de fleurs célestes. Dimension. Hauteur de la statue, piédestal non compris, 10,91 m. Hauteur du personnage, 2,73 m. Largeur de la statue, 4,39 m. Chacun des côtés de l'hexagone de base mesure 2,12 m. Sur le socle de marbre, les grands magasins Mitsukoshi ont imprimé une inscription votive. Le souci qu'ont de leurs clients les magasins Mitsukoshi se manifeste dans les deux devises célèbres qu'ils ont adoptées. Achetez avec soin et vous serez heureux. Prenez grand soin de votre argent, chose si précieuse. Comme je regrette de ne pouvoir vous montrer en couleur et grandeur nature la laideur surhumaine de cette déesse, cette nouvelle statue du veau d'or, toujours lui, l'éternel maître du monde. Oui, rien que pour voir dans un grand magasin la déesse de la sincérité, Tokyo vaut le voyage. Je suppose que ce n'est pas votre plus beau souvenir de Tokyo. Le plus beau, non. Mais le plus beau souvenir, j'avoue que je ne saurais le dire, il y en a trop. Au fond d'un paisible jardin, ce musée privé où nous n'étions que 4, 2 japonaises, 2 français, devant d'admirables lacs rouges. Ailleurs, chez René de Berval, une collection d'objets d'art populaire, des milliers, rassemblés dans sa maison, qu'entoure un jardin gardé par plusieurs statues de Bouddha. La journée de nos dont je vous parlais l'autre fois. Des conversations avec un ami japonais, si libre, si franche, si intime, en dépit de tout ce qui se dit, de tout ce qui s'écrit sur l'âme japonaise, sur la non-communication, sur l'impossibilité de communiquer. Tant d'autres souvenirs. Une promenade au bord de la Sumida, autant des cerisiers en fleurs, des barques au fil de l'eau. Écoutez plutôt les bateaux sur la Sumida. C'est le feu d'artifice sur les bords de la Sumida que vous m'aviez promis. Il se peut pourtant que mon plus beau souvenir de Tokyo, ce soit ma visite au sanctuaire bâti en 1920 pour feu l'empereur Meiji, rénovateur du Japon, et pour feu l'impératrice son épouse. 100 000 arbres, offerts par le pays tout entier, composent un parc, au sud duquel se cache un discret jardin d'iris. Plus de 80 variétés. Mère des quatre orients, la demoiselle. Couleur de l'eau de glycine, une beauté ivre, les 12 robes de la dame d'honneur, le grand violet, la cascade au fil d'argent, ciel brouillé du soir, et j'en passe. Au-dessus de nous, le chant du Onaga, toile à longue, mot à mot, l'oiseau de Tokyo, dans le cerisier des montagnes, puissant et noble, celui dont les fleurs blanches sortent en même temps que les feuilles. Puis, tout près, tandis que le bruit d'un hélicoptère vient détruire le champ du Onaga, mon ami japonais se penche vers la sourde Kiyomasa, si pure sur ses galets bleus sombres. Il parle des bambous nains, Sasa, des bambous de l'ours, Kumasasa, de l'eau qui chante sur une pierre avant de tomber un peu plus bas. L'eau est ronde, dit-il. C'est le mot japonais pour qualifier cette nuance de l'eau, si je puis dire. Avec la louche de bois, il fait un geste, que font d'autres Japonais, du reste. Celui de « puiser l'eau du printemps ». Il y a pour cela un mot en japonais, « lier l'eau », musubu. À côté, une cabane au toit de chaume, de proportions parfaites, parfaitement inscrites dans ce discret paysage. Deux amoureux sont assis et se tiennent par le bras, spectacle naguère encore absolument inimaginable. Vous voilà cependant bien idyllique. Que voulez-vous ? Je déteste les villes, et j'étais heureux ce jour-là, au cœur de Tokyo, d'entendre en lettré japonais mon vieil ami, qui aurait dû périr à Hiroshima, parler si bien d'une feuille morte au fil de l'eau qui susurre en passant à travers d'autres feuilles mortes, sensation pour laquelle le japonais, si riche en onomatopées, a le mot « seseramu ». Oui, au cœur même d'une ville entre toutes terrifiantes pour moi, pour le paysan que je suis resté, j'étais heureux de voir survivre l'homme vrai, celui pour qui l'eau d'une source pure a plus de prix infiniment que tout le pétrole de toutes les Arabies. Mais je me demande, je l'avoue, combien d'Edoko peuvent encore s'offrir ce luxe et sentir de la sorte. Tokyo, ville des contrastes, ville au double visage. Mesdames et messieurs, voici devant vous l'autostrade, sur ses piliers de béton tout neuf. Sous l'autostrade, la ligne de chemin de fer de Yamate. En jaune, les omnibus, en orange, les trains express. à l'arrière-plan, une clinique pour névrosés. La pancarte le dit. Nous guérissons les névrosés par une cure de sommeil. Tout près de cette clinique, des mansions à l'européenne. Une école privée qui prépare aux universités. Une grande salle d'entraînement pour le karaté. À droite, sur un des immeubles du Parti communiste, le drapeau rouge. À la porte même du sanctuaire Meiji, une camionnette du journal communiste et deux autres remplies de Coca-Cola. À 3 mètres sur notre gauche, observez, je vous prie, cette stèle. Les caractères signifient... Site réservé du sanctuaire Meiji. Série. Connaissance de l'Est. Étiamble vous a présenté, en compagnie de Gilbert Maurice Duprez, Japon. Aujourd'hui, avec le concours de Jean Brassa et Edith Lauria. Tokyo, ville des contrastes, ville au double visage. Tokyo, 1964. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 mai 1964. C'était les années 60, aujourd'hui 1964, troisième émission. Document INA, Véronique Jolivet, Amélie Briand-Lejeune, Hervé Evanneau. Mixage Olivier Dupré, réalisation Annie Doël, une émission de Philippe Garbi. À suivre, et d'ici là, à télécharger, ainsi que les précédents épisodes de la série, sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.